Geht es weiter mit unserer Botschaft, du und Jesus Christus? I don't know how long this message is going to be. Ich weiß nicht, wie lange diese Botschaft sein wird. Ich noch über dieses Thema sprechen werde. Because it seems it should even be forever. Eigentlich sollte man für immer darüber sprechen. Because it is always between you and Christ. Weil es immer zwischen dir und Jesus Christus ist. Amen. Amen. There is no number three in between. Es gibt keinen dritten Part. In between or outside Christ. Nichts dazwischen oder außerhalb von Christus. It is you and Christ. Sondern nur du und Christus. If you start with him, continue with him and end up with him. Wenn du mit ihm anfängst, schau, dass du mit ihm weitergehst und es mit ihm zu Ende bringst. Allow it to be all about Christ alone. Lass zu, dass es dir die ganze Zeit nur um Christus geht. It is the greatest victory for us. Denn das ist die größte Freude für uns. Amen. To be able to continue, you have to see Christ alone. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Our life is Christ. Unser Leben ist Christus. Amen. Our life is Christ. Unser Leben ist Christus. Our body is Christ. Unser Körper ist Christus. Including our shadow. Auch unser Schatten. Amen. Amen. On Sunday we were in Acts 5, verse 14 and 15, where the Bible said that the shadow of the disciples, we are all of Christ. Die Bibel sagt uns, dass die Schatten der Jünger alle Christus waren. Amen. Amen. Everything of us, they are all of Christ. Alles von uns ist von Christus. Amen. Amen. We don't have anything of Satan. Wir haben nichts vom Satan. Our properties, they are all of Christ, including this very house, this building. Unser ganzer Besitz ist von Christus, auch dieses Haus hier. And on Sunday I told you about a pastor's mother that was living in a, you know, we are living together. And this woman was living in a room, was having a room in that house. And this woman died, and that room was occupied by demons. Am Sonntag habe ich euch die Geschichte erzählt von dem Pastor, der mit von dem die Mutter verstorben ist, und in dem Raum waren unterschiedliche Dämonen. Amen. Amen. There's nothing that cannot be polluted. Es gibt nichts, was nicht verunreinigt werden There's kann. There's nothing Satan cannot pollute. Es gibt except nichts, Christ. Es gibt nichts, was der Teufel nicht verunreinigen kann. Nur Christus. He can pollute you. Er kann selbst dich selbst verunreinigen. Amen. Amen. If you keep on seeing the flesh, you are polluted. Wenn du immer wieder das Fleisch siehst, bist du verunreinigt. If it is all about you, you are polluted. Wenn es dir immer nur um dich selbst geht, dann bist du verunreinigt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you can see Christ, then you are free from pollution of Satan. Nur wenn du Christus sehen kannst, dann bist du frei von dieser Verunreinigung vom Satan. The finished work of Christ. Wenn du das fertige Werk von Christus siehst. What, you know, the payment. Die Bezahlung. Amen. Amen. You know, I love Colossians 1 so much. Ich liebe Kolosser 1. Where it said that everything was created by Christ and for Christ alone. Wo gesagt wird, dass alles von und für Jesus Christus erschaffen wurde. The earlier we know that, the better for us. Je schneller wir das verstehen, desto besser ist es für uns. Praise the Lord. Hallelujah. And it is for your own victory to understand that very well. Auch für deinen eigenen Sieg ist es wichtig, dass du es sehr, sehr gut verstehst. Amen. Amen. Only two powers control the earth. Denn nur zwei Mächte kontrollieren diese Erde. Is Christ or Satan. Christus oder der Teufel. Amen. Amen. A lot want to have number three. There is nothing like that. Viele wollen noch einen dritten Part haben, aber das gibt es nicht. Yourself can be polluted by Satan. Du selbst kannst verunreinigt sein, werden durch So also Christ can live in you and your body belong to him. Aber auch, and live through you. Aber auch Christus kann in dir kommen, kann in dir sein und durch dich leben. Satan can pollute your parents. Der Satan kann deine Eltern verunreinigen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He can pollute everything on earth. Er kann alles auf Erden verunreinigen. Amen. Your children. Deine Kinder. Your account. Dein Bankkonto. Amen. Your job. Dein Job. Do not see your job as your provider. You know that job is polluted. Wenn du deinen Job als deinen Versorger siehst, dann ist dieser Job verunreinigt. Praise the Lord. Hallelujah. So also you yourself you are polluted if you are your provider. Wenn du selbst dich als Versorger siehst, dann bist du selbst auch verunreinigt. Praise the Lord. Hallelujah. Submit your children to Christ. Gib deine Kinder Jesus Christus ab. That is how they can be free from pollution. So können sie frei sein von dieser Verunreinigung. Amen. Amen. On Sunday we also talked about the fig tree. Am Sonntag haben wir auch über den Feigenbaum gesprochen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. How you know how that fig tree was polluted? Wie dieser Feigenbaum verunreinigt wurde. Amen. And Jesus caused it. He caused the fig tree. Jesus hat diesen Feigenbaum verflucht. Amen. There is nothing demons cannot go in and go through except Christ. Es gibt nichts, wodurch Dämonen nicht reingehen können, außer Jesus Christus. Christ can occupy anything and everything. Also. Christus kann alles erfüllen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to Luke 17. Lukas 17. Luke 17. Praise the Lord. Lukas 17. Vers 20 und 21. Vers 20 und 21. Luke 17, Verse 20 and 21. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The kingdom of heaven. Das Königreich Gottes. Le royaume des cieux. Verse 20. And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Neither shall they say, lo here or lo there. For behold, the kingdom of God is within us. The kingdom of heaven is inside you. Das Reich Gottes ist in dir. Le royaume des cieux est dans toi. Christ is the kingdom of heaven. Jesus Christus ist das Reich Gottes. Und Jésus-Christ est le royaume de Dieu. And he is inside you. Und er ist in dir. Et il est en toi. If you are saved. Wenn du wiedergeboren bist. Amen. Et de nouveau, Amen. Tu as ton salut. Amen. The Christ in us is the kingdom of heaven. Der Christus in uns ist das Reich Gottes. Le Christ en nous est le royaume des cieux. He occupy our body. Er umhüllt, nee, umhüllt unseren Körper. Il occupe notre cœur. And that is why the Bible calls our body his temple. Und deswegen nennt die Bibel unseren Körper sein Tempel. C'est pour cela la Bible appelle notre corps le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6. Let us go there, please. 1 Corinthiens 6. On va le lire à 1 Corinthiens 6. Praise the Lord. Amen. It is so good to know Christ. Es ist so gut, Jesus Christus zu kennen. C'est vraiment bien de connaître Jésus-Christ. To have him and to know him. Ihn zu kennen und ihn zu haben. Le connaître, l'avoir. 1 Corinthians 6 from verse, let me see, 19. 1 Corinthians 6 ab 19. 1 Corinthians 6 à partir de 19. 19 and 20, amen. 19 und 20. 19 und 20. He said, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and ye are not your own. Verse 20. For you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Praise the Lord. Hallelujah. Your body is no longer a natural body once you belong to Christ. Wenn du zu Christus gehörst, ist dein Körper nicht mehr natürlich. Quand tu appartiens à Jésus-Christ, ton corps n'est plus naturel. You have a supernatural body. Amen. Du hast einen übernatürlichen Körper. Là, tu as un corps surnaturel. So, you know, just like your spirit is supernatural. Genauso wie dein Geist übernatürlich ist. Tout comme ton esprit est surnaturel. So also your body is supernatural. Amen. Genauso ist auch dein Körper übernatürlich. C'est comme ça aussi que ton corps est surnaturel. Because the temple of the Holy Ghost is now your body. Weil der Tempel des Heiligen Geistes nun dein Körper ist. Parce que le temple du Saint-Esprit c'est maintenant ton son temple. You know, all these are knowledge. All das ist Weisheit. If you are born again, you don't know that. It can never belong to you. Wenn du wiedergeboren bist, aber diese Erkenntnis nicht kennst, wird die nicht für dich arbeiten, nicht für dich wirken können. It cannot work for you. Si tu es né de nouveau, mais ces connaissances que tu sais que je vous apprends maintenant que vous les connaissez pas, ça va pas marcher pour toi dans ta vie. It is one of the truths you are to know. Es ist eine der Wahrheiten, die du unbedingt wissen musst. C'est une des vérités que tu dois vraiment comprendre et savoir. That your body is Christ's property. Dass dein Körper Jesus Christus gehört. Que ton corps appartient à Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. And we occupy this building, this house. Und wir füllen dieses Haus. Et nous on occupe cette maison ici par exemple. You know the Bible says we are of Christ. We are Christ. We belong to Christ. And we occupy this house. Anything of us is Christ. Alles von uns ist Jesus Christus. Tout ce qui nous appartient, c'est Jésus-Christ. Ça lui appartient. Christ is in this building. Jesus Christus ist in diesem Gebäude. Tout comme Jésus-Christ est dans ce bâtiment ici. Wherever you are, you know Joshua 1. The Lord told Joshua, he said, wherever your full step, I will, you know, belong to you. In Joshua 1 sagt Gott zu Joshua, dass überall, wo dein überall, wo dein Fuß betretet, gehört dir. En Josué 1, Dieu a dit à Josué que partout où est-ce que tu vas mettre tes pas, ça va t'appartenir. The room is Christ. Dein Raum, dein Zimmer ist Jesus. Même ta chambre, c'est Jésus-Christ. Amen. Everything of you, they are all Christ. Amen. Alles von dir ist Jesus Christus. Ce qui t'appartient, c'est Jésus-Christ. This building is Christ. Dieses Gebäude hier ist Jesus Christus. Ce bâtiment ici, c'est aussi Jésus-Christ. Again, this building is not a natural building, but a supernatural building. Dieses Gebäude ist kein natürliches Gebäude, sondern ein übernatürliches Gebäude. Ce bâtiment, c'est pas un bâtiment naturel, c'est un bâtiment surnaturel. Nothing of Christ is natural. They are supernatural. Nichts von Jesus Christus ist natürlich, ist alles übernatürlich. Rien de Jésus-Christ, c'est naturel, c'est tout est surnaturel. It means they are greater than the natural. Das bedeutet, sie sind größer als das Natürliche. Das signifie que c'est plus grand que le naturel. Just like that room. The pastor's grandmother lived before she died was not a natural room. Genauso is somebody getting it. Genauso wie dieser Raum von dieser Mutter, von diesem Pastor kein normaler Raum mehr war. Tout comme la chambre de la mère de ce pasteur là n'était pas une chambre naturelle. That room was no longer a natural room. Dieser Raum war kein natürlicher Raum mehr. Cette chambre, c'était pas une chambre naturelle. Whatever Satan occupied is not natural. It's no longer natural. It's out of natural. Alles, was der Teufel sich packt, ist nicht mehr natürlich. Tu sais que le diable, der Teufel sich packt, ne? Tu sais que le diable prend ou bien touche, c'est plus naturel. The Bible is not a natural book. Die Bibel ist kein natürliches Buch. La Bible aussi, c'est pas un livre naturel. Because of the kingdom of heaven in it. Weil das Reich Gottes in der Bibel ist. À cause du royaume des cieux de Dieu dans la Bible. Without the kingdom of heaven, the Bible is just like a novel. Ohne das Reich Gottes wäre die Bibel flesh and blood. Wäre die Bibel wie ein Roman, Fleisch und Blut. Sans le royaume des cieux, la Bible serait un livre normal, un roman naturel. Things are either of heaven or of earth. Dinge sind entweder vom Himmel oder von der Erde. Les choses, les histoires sont ou du ciel ou du diable. You know Revelation 12. We have been there for some time. We continue to go there. Please go there again for a reminder. Revelation 12. Praise the Lord. Amen. Amen. Verse 12. Offenbarung 12:12. Apocalypse 12:12. He said, therefore rejoice, you heavens, and you that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath a short time. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Things are either of heaven or of earth. Dinge sind entweder vom Himmel oder von der Erde. Les histoires, les choses sont ou surnaturelles ou naturelles. We belong to heaven. Wir gehören zum Himmel. Nous, on appartient au ciel, au surnaturel. Amen. Amen. You know, Jesus says something here very interesting. Jesus sagt hier etwas sehr Interessantes. Ici, Jésus-Christ dit quelque chose de très intéressant. He said, woe unto the inhabitants of the earth because of Satan. Wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen dem Teufel. Il dit, réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. You know, on Sunday, Ogeva gave a testimony concerning, you know, and there were some questions that they asked concerning why did God, you know, after creating man, it seems God kept man in the midst of wolves, or let me say in the lion's den, to be destroyed. Am Sonntag hat Ogeva ein Zeugnis gegeben und davon berichtet, dass jemand ihn gefragt hat, warum Gott, so fies ist und Menschen in eine Situation bringt, die so ist, als ob man einem Kind in einen Raum bringt mit einem Löwen. Dimanche, on a eu un témoignage où Odi a dit que il y avait un homme qui s'est demandé pourquoi Dieu semble être un Dieu qui laisse ses enfants dans une chambre avec quelqu'un de avec une bestiole qui veut lui dévorer par exemple. Donc ça semble comme si Dieu est un mauvais Dieu. And the Lord helped me to understand it, that it is not about where we live, it's about who we believe. Amen. Und der Herr hat mir gesagt, hat mir zu verstehen gegeben, dass es sich darum geht, wo wir leben, sondern wem wir glauben. Et Dieu m'a fait comprendre qu'il ne s'agit pas de la place où on vit, mais il s'agit de qui on croit, à qui on croit. Daniel was in the lion's den, no lion could eat him. Amen. Denn Daniel war in der Löwengrube, aber kein einziger Löwe konnte ihn essen, weil er Jesus Christus geglaubt hat. Si on voit l'exemple de Daniel, par exemple, il était dans une place dans la prison avec les lions qui pouvaient lui dévorer, mais il y a aucun lion qui était capable de lui dévorer parce que lui, il a cru à son Dieu. Il a cru seulement et c'est pour cela qu'il était incapable d'être touché. The three Hebrew boys, they were in fire, but no fire could burn them. Amen. It's not about where we are, where he sent us. It's about, do we believe him? Die drei hebräischen Jungs waren im Feuerofen und das Feuer konnte ihnen nichts an. Das zeigt uns ganz deutlich, dass es geht nicht darum, wo wir leben oder wo wir sind, sondern wem wir glauben. Le deuxième exemple est par exemple que les trois garçons hébreux, ils étaient dans le feu, mais le feu n'a pas pu les brûler parce que ils avaient cru en Dieu. Amen. You know, in Matthew 10, Jesus said he sent us into the midst of wolves. It's not where he sent us. It is the question is, do we believe him? Is somebody getting something? In Matthäus sagt Jesus selbst, dass er schickt uns inmitten von Wolfen. Es geht also nicht darum, wo wir sind, sondern dem wir glauben. Amen, amen. Dans Matthieu, par exemple, il nous a dit que il va nous envoyer au milieu des loups, mais et ça fait voir que il ne s'agit pas de la place où on sera, il s'agit que de lui, de le croire, parce qu'il a dit malgré où ça, je veux vous envoyer là où il y a des loups, personne veut ils peuvent pas vous dévorer. It's like where we just read. He said, "Woe unto the inhabitants of the earth." You know that Satan is here. You know, it's not about Satan was there. It's about Adam and Eve refused to believe God. Genauso wie wir hier in Offenbarung 12 gelesen haben, dass da steht, wehe denen, die hier auf der Erde leben. Das bedeutet, es ging nicht darum, dass der Teufel da war, sondern es ging darum, dass Adam und Eva dem Herrn einfach nicht vertraut haben. Mm-hmm. Et ici on voit encore Apocalypse 12:12 que il dit que mais malheur à la terre parce que le diable est descendu. Donc ça fait voir que il ne s'agissait pas que le diable ou le serpent était à côté de Yves et de Adam, mais il s'agissait de qui Adam ou Yves, à qui ils ont cru. Ils ont cru à un dieu ou au serpent. Praise the Lord. Hallelujah. You know, John 6, that is why he said, believing him is the work of the Father, that he has given us to walk, to believe Christ. Deswegen sagt Jesus Christus in Johannes 6, dass das Werk, was wir tun sollen, ist, an ihn zu glauben. Et c'est pour cela Dieu dit en Jean 6 que le travail qu'on a, nous les enfants de Dieu, c'est de croire en lui. C'est ça notre travail. You know, everybody can say we want to know that it's very simple to believe Christ. You know, to believe him when everything is good. But what about when there is evil news? There's news that, you know, that is not encouraging at all. You know, can you still believe him? Jeder kann sagen, dass er Jesus Christus glaubt, wenn alles gut läuft, wenn man keine Probleme hat. Aber wie ist es, wenn alles in deinem Leben schief läuft, wenn nichts so läuft, wie es laufen sollte, kannst du dann Jesus Christus immer noch glauben? Parce que tout le monde est capable de dire que oui, je crois en Dieu quand tout marche bien comme tu le veux. Mais est-ce que tu lui crois encore quand tu as des problèmes, quand tu as des douleurs ou bien des obstacles dans ta vie? Est-ce que tu es capable de lui croire? You know, everybody can, you know, people can say, okay, to believe Christ is very easy. But you know, how many people can still believe when the pain is getting more heavier and tougher and tougher? And the doctor's report is telling you it's getting worse. Mm-hmm. How many can still dance samba and pray Jesus? Mm-hmm. Menschen können jetzt sagen, dass das Werk, das Gott von uns möchte, so einfach ist. Aber wer kann wirklich noch an Jesus Christus glauben, wenn der körperliche Schmerz unerträglich wird und der Arztbericht noch schlimmer wird und alles aussieht, als ob du weltlich gesehen gar keine Chance mehr hast? Wer kann dann Jesus Christus immer noch glauben? Tout le monde est capable de dire que tout va bien, je me rejoins dans l'éternel et tout va bien, et est capable de croire en Dieu quand tout va bien. Mais quand tu as des douleurs qui sont vraiment impossibles, ou bien que tu te sens pas bien, tu as des grands obstacles où tu vois que tu as l'impression que qu'il n'y a plus de chance, que tu n'as pas d'autres portes de possibilité d'être bien. Est-ce que tu es toujours capable de te réjouir en lui et de dire que et de lui croire? You know, it is not believing him that you are going to be healed, to believe him that you are already healed. Nicht, dass du glaubst, dass er dich noch heilen wird, sondern dass du glaubst, dass er dich schon längst geheilt hat. Il s'agit pas de croire qu'il va te guérir, mais il s'agit de croire qu'il t'a déjà guéri. Praise the Lord. Amen. How many can believe him? Wie viele können glauben? And believe that, you know, just like Paul believed, for me to live is Christ and to die is gain. It doesn't matter the result. Wie viele? Wie viele können zum Beispiel so wie Paulus glauben, dass sie sagen, Sterben ist Gewinn, weil ich zu Jesus Christus gehe, und Leben ist Gewinn, weil mein Leben Jesus Christus ist? Combien de personnes sont capables de croire, comme Paul a dit, que si je vis, c'est Jésus-Christ. Si je vois, si, si je meurs, c'est aussi Jésus-Christ. C'est aussi une victoire pour moi. Combien de personnes sont capables à croire à ça comme lui? We don't have anything that is not of Christ. Wir haben nichts, was nicht von Jesus Christus ist. On a rien qui n'est pas de Jésus Christ. Our account, our money, our clothes, everything, they belong to him. They are of Christ. Unser Bankkonto, unser Geld, und so selbst unsere Klamotten, alles ist von Jesus Christus, alles ja, kommt von ihm. Notre force, notre compte, nos même nos vêtements, tout ça, ça vient de Jésus Christ. C'est lui-même nos biens. You know, these things are just your account, your money, your clothes. You know, if he owns your life and your account, your money, your clothes, they are just, which is greater? Life is greater than all those things. Amen. Can you get it? Mm-hmm. Praise the Lord. Wenn er dein Leben ist und wenn ihm dein Leben gehört, dann sind dein Bankkonto, deine Klamotten natürlich auch alles von Jesus Christus, weil dein Leben ist größer als all diese Dinge. Si ta vie appartient à Jésus Christ, ça signifie que combien de plus tes habits, ton argent, ton account, ta banque lui appartient, parce que ta vie est même plus importante que tous tes biens. Go to Acts 19, verse 12. Apostelgeschichte 19. On va lire Actes des Apôtres 19. Amen. Praise the Lord. Amen. And let us see their properties here. Amen. Amen. He says, so that from his body, 19, Actes des Apôtres 19, 12, pardon, we are brought unto the sick handkerchief or apron, and the diseases departed from them, and the evil spirit went out of them. So that's sogar Schweißtücher. Is somebody getting something here? So that's sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wischen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Amen. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceci guérisait et les mauvais esprits s'enfuyaient. Handkerchief. Ordinary handkerchief. It was no longer natural handkerchief, but the supernatural handkerchief. Amen. And apron, you know what apron is? What do you call it? The one that when you are cooking. Praise the Lord. Amen. You know, we don't have anything that is not of Christ. Amen. Everything that belongs, they are of him. Amen. Hier an dieser Stelle wird gezeigt, wie Paulus, wie selbst die Schweißtücher oder Gürtel von Paulus Menschen geheilt haben. Und das zeigt uns auch nochmal ganz deutlich, dass alles, was uns gehört, was uns gehört, ist Jesus Christus. Selbst unsere Kochschürze ist Jesus Christus. Ici on voit que des lingettes et de mouchoirs ordinaires que Paul avait utilisés, quand il touchait ça, il utilisait ça, c'est devenu directement surnaturel. Ça nous fait voir que tout ce qui nous appartient, ça se transforme de naturel à surnaturel. Ça a une puissance derrière tout. Il y a une puissance derrière toutes nos histoires. You know, the same handkerchief and apron can do nothing without Christ in it. Without Christ in it, can do nothing. Diese Schweißtücher. Is somebody getting something? Und diese Gürtel ohne Christus können sie gar nicht. Les mouchoirs et les lingettes sans Jésus-Christ, c'est pas capable de guérir quelqu'un. Christ was in those handkerchief and in the apron. Jesus Christus war in diesen Schweißtüchern und in seinem Gürtel. Mais on voit que les mouchoirs dans ces mouchoirs et dans ces lingettes, c'est Jésus-Christ qui était dedans lui-même. Remember, he said, whatever you touch is blessed. Amen. Erinnert euch daran, dass Jesus gesagt hat, was auch immer wir anfassen, ist gesegnet. Rappelle-toi que Jésus-Christ a dit que tout ce qu'on touche est vraiment béni. Tout. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why it's not about being a lawyer, a doctor, having degrees. It's about knowing him. Having him and knowing him. Amen. Deswegen geht's nicht mehr darum, ob wir Anwälte oder Ärzte werden, dass wir einen krassen Abschluss haben, sondern es geht nur noch darum, ihn zu kennen. Amen. C'est pour cela qu'il ne s'agit pas d'être docteur ou bien avocate ou quelque chose comme ça, ou politicien. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de connaître Jésus-Christ. You know, the same handkerchief and apron. Satan can occupy them. And, you know, those handkerchief and the apron can now be stealing, killing and destroying. Mm. Killing, stealing and destroying lives. Mm. Genauso kann auch der Teufel diese Schweißtücher und diese Gürtel auch benutzen. Und die werden dann dazu führen, dass sie stehlen, töten und zerstören. Et de même aussi, le diable est capable de toucher, d'utiliser les mêmes lingettes et les mêmes mouchoirs pour tuer, pour détruire. You know, the handkerchief and apron. You know, all these things, they are carnal. Diese Schweißtücher und der Gürtel, das sind alles fleischliche Sachen. Parce que tous ces mouchoirs et tous ces lingettes, ce sont les histoires naturelles, ce sont les histoires charnelles. Let's go to 1 Corinthians 9, verse 11. 1 Corinthiens 9, verse 11. On va lire 1 Corinthiens 9, verset 11. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Are we there? Susie, can you help us to read the chapter? Verse 11. Wenn wir euch die geistlichen... 11, 9, pardon. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten? You see it. Mm-hmm. 1 Corinthians 9, 11, pardon. If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? Somebody getting it? Is it not a great thing if we can reap your carnal things? You know, all these things are carnal. Einige Dinge, also zum Beispiel Schweißtücher und Gürtel, sind fleischlich. Money is carnal. Puisque nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, serait-ce de notre part une prétention exorbitante si nous attendions de vous quelques avantages matériels. Donc tout ça, ce sont des histoires matérielles. You know, though they are all carnal. Les mouchoirs. Obwohl sie alle fleischlich sind. Même si l'argent et tout ça, ce sont des histoires matérielles. Once you submit yourself to Christ fully, everything of you becomes Christ. Amen. Wenn du dich Jesus Christus komplett hingibst, wird alles automatisch, alles von dir wird Jesus Christus. Malgré tous tes biens sont charnels, dès que tu te soumets à Jésus-Christ vraiment complètement, tous tes biens deviennent surnaturels. They will all be working for you and not against you. Amen. All diese Dinge werden für dich arbeiten und nicht gegen dich arbeiten. Toutes ces histoires-là vont commencer à travailler pour toi et pas contre toi. But because there is a power behind it. Weil es eine Kraft dahinter gibt. Mais parce qu'il y a une puissance derrière toutes ces choses-là. Praise the Lord. Hallelujah. Let me quickly say this before I go further. All sin, they are carnal. Alle Sünden sind fleischlich. Je vous répète quelque chose. Tous nos péchés sont charnels. But not all carnality are sin. Aber nicht alles, was fleischlich ist, ist Sünde. Mais pas tout ce qui est charnel est un péché. Example, to be hungry is carnal. Zum Beispiel hungrig zu sein. Yeah, to be hungry ist fleischlich. Hunger auf Essen zu haben, but it's not a sin. Aber es ist keine Sünde. Par exemple, avoir faim de la nourriture, c'est charnel, mais c'est pas un péché. But if you allow Satan to come in and your focus is all about food, then it becomes sin. Aber wenn du zulässt, dass der Teufel dazwischen kommt und dein Fokus nicht mehr auf Jesus Christus ist, sondern auf Essen, dann wird es eine Sünde. Mais si tu laisses le diable venir dans ta tête ou dans ta vie et tourner ta concentration vers la nourriture, là ça devient un péché. You know, to go to the doctor is carnal. But if you know, it's not sin. But if you not see doctor as your healer, then it becomes sin. Zum Arzt zu gehen ist keine Sünde. Aber wenn du anfängst, den Arzt als deinen Heiler, als deine Heilung zu sehen, dann wird es eine Sünde. Par exemple, Par exemple, partir chez le docteur, c'est pas un péché. Mais quand tu commences à voir genre que le docteur, c'est lui la seule personne qui va te guérir, que tu as ton concentration, seulement je dois partir chez le docteur, docteur, docteur, là, ça devient un péché. You know, to go to job is kana. The nature of this job. Amen. Arbeiten zu gehen ist fleischlich. Amen, but it's not sin. Aber es ist keine Sünde. But if you now make your job to be your provider, your chef to be your provider, it becomes sin. Wenn du aber zulässt, dass deine Arbeit dein Versorger wird, dein Chef dein Versorger wird, dann wird es eine Sünde. De partir travailler aussi, c'est pas un péché. C'est pas un péché, c'est charnel. Mais si tu permets au diable de mettre ta concentration seulement sur ton travail, ou bien tu vois ton chef, genre, il est la personne qui va pourvoir pour toi ou bien te nourrir, là, ton travail devient un péché parce que tu as ta concentration seulement sur ça. You know, to go to university and study, it's not sin, it's carnal. But if you allow it to not become your life, well, without it, you cannot make it. Mm. It is without Christ, you cannot make it. Amen. Is somebody getting it? Then it becomes sin. Zu studieren, zur Universität zu gehen, ist keine Sünde. Wenn du aber zulässt, dass du dich von diesem Studium abhängig machst, dass das dein Leben wird und dass du im Herzen glaubst, dass du ohne diesen Abschluss, ohne diese Ausbildung eine bestimmte Sache nicht mehr tun kannst, und nicht Jesus Christus siehst, dass du sagst, dass nur durch Jesus Christus komme ich da und dahin, dann wird es eine Sünde. Ja. C'est tout même, c'est aussi comme partir à l'université. C'est une chose charnelle et c'est pas un péché de partir à l'université. Mais si tu te dis que toi-même que tu dépends de cette université et ta concentration, ça devient que je dois étudier parce que sinon je ne serai pas capable de faire ce que d'atteindre mes objectifs. Là, ton université devient automatiquement aussi un péché. So also are many other things. There are so many. Amen. Davon gibt es sehr viele Beispiele. Et avec ça, tu peux faire tous les exemples de cette vie. Let's go to that of money a little bit. Amen. Wir reden jetzt ein bisschen über das von Geld. Mais on va un peu parler de l'argent. You know, money is carnal. Geld ist fleischlich. L'argent, c'est charnel. You know, having it is also carnal. Geld zu besitzen ist auch fleischlich. D'avoir de l'argent, c'est aussi quelque chose charnel. But it's not, they are not sin. Aber das alles ist keine Sünde. C'est pas un péché. Having money is not sin. Geld zu haben ist keine Sünde. Avoir de l'argent, c'est jamais un péché. It is the love of money that is sin. Die Liebe zum Geld. Evil. Das ist bösartig, das ist Sünde. La chose qui est un péché, c'est l'amour envers cet argent-là. Let's quickly go there. Donc si tu as l'argent, tu possèdes de l'argent, c'est pas un péché, mais quand tu as l'amour que pour cet argent, ça devient un péché. 1 Timotheus 6:10. Are we there, please? He said, for the love of money is the root of all evil. And not having money. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Which why some converted after they have erred from the faith, appears themselves through with many sorrows. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Hier steht, die Geldgier ist evil, nicht als böse, nicht Geld zu besitzen. 1 Timothée 6:10, car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnées, certaines se sont égarées très loin de la foi et se sont infligées beaucoup de tourments. You know, look at it. He said the root of all evil and not some evil. All. Gott sagt ganz deutlich. Gott sagt ganz deutlich, dass die Geldgier ist die Wurzel alles Bösen, nicht von manchem Bösen, sondern von allem Bösen. Ici Dieu dit que l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de mauvaises choses. Markus 10. Mark 10. On va lire. The love of money. Mark 10. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 10. This man came to Jesus, telling Jesus he have obeyed all things. Dieser Mann ist zu Jesus gegangen und hat ihm gesagt, dass er das ganze Gebot gehalten hat. Ici à Marc 17, cet homme est venu vers Jésus-Christ pour lui dire que moi j'ai tout accompli, tous les commandements, je les ai accomplis. You know, he came to Jesus, he called Jesus good. He even knelt down before Jesus. Er kam zu Jesus und hat Jesus gut genannt und hat sich sogar vor ihm hingekniet. Cet homme, il a appelé Dieu quelqu'un de bon, il a dit une bonne, un bon maître, il s'est même incliné devant Jésus-Christ. Is somebody getting it? Mm-hmm. It's not about the outside. It's the inside. Amen. Es geht nicht um das Äußerliche, sondern um das, was innen ist. Il ne s'agit pas de l'extérieur, mais il s'agit toujours de l'intérieur. Learn to see the inside and not the outside. Lerne das Innere zu sehen und nicht das Äußerliche. Apprends à voir l'intérieur et pas l'extérieur. Somebody getting it. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Look at from verse 20 because of time. And he answered and said unto him, Master, all this I have observed from my youth. I've obeyed all from my youth. Verse 21. Then Jesus, beholding him, loved him. You're revealing the truth to them is love and not hate. Amen. You're choosing Christ and rejecting that of Satan is love and not hate. Amen. Hier steht ganz deutlich, dass dieser reiche Mann ist zu Jesus gegangen und hat ihm gesagt, dass er alles gehalten hat. Und Jesus Christus musste ihm natürlich die Wahrheit offenbaren. Und hier steht, die Bibel sagt, dass Jesus Christus diesen Menschen geliebt hat. Menschen die Wahrheit zu erzählen, das ist wahre Liebe. Ici on voit que cet homme est venu vers Jésus Christ et quand il lui a dit ça, Jésus lui a dit, on a écrit que Jésus-Christ l'aime beaucoup, mais et c'est pour cela qu'il était obligé de lui dire la vérité. Ça signifie que nous aussi, à tout le monde qu'on aime, on est obligé de leur donner la vérité. You know that Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest. Go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven. And come, take up your cross and follow me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 22. And you know, he says so that you will have treasure in heaven. Because there's treasure here, there's treasure in heaven. We depend on heavenly treasure. Amen. Es gibt Schätze hier auf der Erde und Schätze im Himmel. Und wir... Uns geht es um diese Schätze im Himmel. Si on lit en Marc 10, 21, 22, on comprend qu'il y a un trésor ici terrestre, il y a aussi un trésor aussi au royaume des cieux. Et nous, on dépend du trésor qui est au royaume des cieux. Whatever you give for Christ, you give for his sake. Amen. You choose him. You know, it's more than a treasure here on earth. It's treasure in heaven. Alles, was du, für Jesus Christus gibst, immer wenn du dich für Jesus Christus entscheidest, das ist viel mehr wert als diese Schätze hier auf Erden, weil das Schätze sind im Himmel. Tout ce que tu donnes à Jésus Christ, tout ce que tu donnes, tu soumets à Jésus Christ ou tu lui donnes, ça vaut de plus que des trésors terrestres, parce que c'est quelque chose que tu fais pour le royaume des cieux, et le royaume des cieux est sûr et a plus de valeur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 22. And he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possessions. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. It is not this man having money that is the problem, it's the love of money. Mm. Das Problem von diesem reichen Mann war nicht, dass er reich war, sondern diese Liebe zu dem Geld. Verset 22, en entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Mais le problème ici, ce n'était pas la richesse de cet homme, il s'agissait de l'amour qu'il avait envers sa richesse. You know, you never come to Jesus and be poor. The Bible says he became poor so that you are rich. Die Bibel sagt, er wurde arm, damit du reich bist. Das heißt, du kannst niemals zu Jesus kommen und nicht reich sein. La Bible nous fait comprendre qu'on ne peut jamais partir vers Jésus-Christ sans devenir riche. Parce que la Bible dit que lui, il est devenu pauvre. Comme ça, nous, on doit... Comme ça, pour que nous, on soit riche. He came to us, you know. We are redeemed from all causes, including poverty. Amen. Wir wurden befreit von allen Flüchen, auch dem Fluch der Armut. On a été libérés de toutes sortes de malédictions et aussi la malédiction de la pauvreté. You never have Christ and be poor. Amen. There's nothing like that. Look at Solomon. Look at David. Look, just look at name them. Look at, you know, just name them. Name them, Abraham. You know, if you, you know, praise the Lord. Hallelujah. There's no poverty. You know what? Because there's no poverty in heaven. Amen. Where we belong. Yeah. Wir gehören zum Königreich Gottes, zum Himmel. Und dort gibt es keine Armut. Und auch wenn wir uns unsere Brüder... Glaubensbrüder in der Bibel anschauen, Abraham zum Beispiel. Du kannst nicht Jesus Christus haben und arm sein. Du wirst im Überfluss haben, weil er der Überfluss ist. Notre royaume des cieux, chez nous, la pauvreté n'existe pas. Si tu regardes bien dans la Bible, tous nos frères, là, Joseph, Abraham, eux tous, David, ils étaient vraiment trop riches parce qu'ils appartenaient au royaume des cieux, et tout comme nous aussi. You know, put something here, go to John 10:10. Johannes 10:10. On va lire Jean 10:10. Amen. Amen. It said, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. That's overflow. Amen. Der Dieb kommt nur, zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Hier sagt er nochmal deutlich, dass wir werden im Überfluss leben, da wir Jesus Christus haben. Amen. Ici, Jean 10:10, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Donc, il dit qu'on va avoir en lui une vie vraiment abondante. Jesus is telling us that living in heaven starts from here. And not after you die. Jesus sagt uns, dass das Leben im Himmel hier schon beginnt und nicht erst nach dem Tod. Ici, Dieu nous, Jésus-Christ nous fait comprendre que la vie, vivre au ciel, ça commence déjà ici sur terre, pas après que tu sois mort ou quelque chose comme ça. Ça commence déjà ici et maintenant. You know, if you are really in heaven, what give them? Well, no, what made them cry will not make you cry. Wenn du wirklich, aus dem Himmel bist, dann wird das, was die Menschen hier auf Erden zum Weinen bringt, dich nicht zum Weinen bringen. Si tu appartiens vraiment au royaume des cieux, tout ce qui vont faire pleurer les gens ici sur terre, ça va pas te faire pleurer. What give them joy will never give you joy. Das was die Menschen have is so kind of joy. Das was die Menschen hier Freude bringt, wird dir keine Freude bringen, weil das Königreich Gottes hat eine andere Art von Freude. Parce que tout ce qui tout comme tout ce qui fait réjouir les gens de ce monde, tout leur tout ce qui fait réjouir les gens de ce monde ne peut pas te faire réjouir parce que toi tu notre définition de réjouissement, on a notre propre mode de se réjouir. What give them peace will never be what give you peace. Christ is our peace. Das, was den Menschen hier auf Erden Frieden gibt, wird dir niemals Frieden geben, weil dein Frieden Jesus Christus ist. Tout ce qui donne aux gens de ce monde la paix, ça va pas nous donner la paix parce que notre paix c'est Jésus Christ lui-même. That's why it doesn't matter, pass or fail. Christ is my peace. Amen. Amen. Deswegen ist es auch egal, ob wir die Prüfung bestehen oder nicht. Or good news or bad news. Oder ob es gute Nachrichten gibt oder schlechte Nachrichten, weil Jesus Christus unser Frieden ist. C'est pour cela, peu importe si on a une mauvaise nouvelle ou bien une bonne nouvelle ou bien on a passé des examens ou pas, ça nous importe pas parce que Jésus Christ est notre victoire en tout. Back to Mark 10, now verse 23. Zurück zu Markus 10, Vers 23. On va rentrer à Marc 10, verset 23. And Jesus looked around about and said unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? Mm. And the disciples were astonished at these words. This is verse 24. Verse 24. But Jesus answered again and said unto them, Children, how hard it is for them that trust in riches to enter into the kingdom of God. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Then in verse 25 says, it is easier for a camel to go through the... It means it's impossible. Mm-hmm. Amen. Amen. You see, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. It's not about having it. It's about... Seeing it as your God. Mm-hmm. Es geht nicht darum, Geld zu haben. Loving it. So sondern, that you cannot even bless the house of Christ. Amen. Es geht nicht darum, Geld zu besitzen, sondern darum, es zu lieben. Es so zu lieben, dass du zum Beispiel nicht in der Lage bist, in die Gemeinde zu geben, weil du ja nicht das Geld nicht abgeben kannst. Il est plus facile, verset 25, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir, de posséder de l'argent, c'est pas ça le problème. Mais le problème est que d'aimer tellement ton argent que tu as même du mal à bénir la maison de Dieu parce que tu te dis que j'ai besoin d'avoir cet argent pour moi. Verse 26, and they were astonished out of measure, saying among themselves, who then can be saved? Who then can be saved? Then from 27, Jesus now says, with me, all things are possible. Mm. Amen. In Vers 26 sind die Jünger entsetzt, weil sie untereinander sprechen, dass wer kann dann überhaupt noch gerettet werden? Und Jesus Christus sagt aber, dass mit Gott, mit ihm ist alles möglich. Ici au verset 26, on voit que les disciples étaient entrés, ils étaient vraiment choqués, ils se disaient, mais qui est alors capable d'entrer dans le royaume des cieux à ce cas? Et verset 27, Jésus-Christ les répondit et lui dit que avec Dieu tout est possible. Donc on a besoin de lui pour avoir cette possibilité. Mm. Praise the Lord. Alléluia. Verse 27. Verset 27. And Jesus looking upon them said, verset 27. With men it is impossible, but not with God. For with God all things are possible. With me, depending on me. See me, that's how things Amen, are possible. Amen. Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Jesus, wenn du Jesus siehst, wenn du auf ihn vertraust, dann ist alles möglich. Amen. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ça signifie que dès que ta concentration est vers Jésus-Christ, tout est possible. Then Peter, verse 28, then Peter began to say 28, unto him, Lord, we left all. We have left all. I have followed thee. And Jesus answered and said, Verily I say unto you. You know, here Jesus is saying it's all about me. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. There is no man that has left house or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my sake and the gospels. Mm-hmm. But he shall receive 100-fold. Now, right now, not later, now, Amen. In this time, mm-hmm. not even when you after death, mm-hmm. Amen? Amen, houses and brethren and sisters and mothers and children mm-hmm. and lands with persecution Amen. And in the world to come eternal life. Amen. Praise the Lord. Vers 28 sagt Petrus, dass sie alles verlassen haben, um Jesus Christus nachzufolgen. Und in Vers 29 und 30 spricht Jesus, sagt Jesus, dass es nur um ihn selbst geht, dass wenn wir Häuser und Brüder und Schwester, Vater, Mutter, Frau und Kinder oder Acker wegen Jesus Christus verlassen, werden wir jetzt in dieser Zeit, auf dieser Welt, die Sachen hundertfältig zurückbekommen. Amen. Also nicht erst im Himmel, sondern hier schon auf Erden. Amen. Au verset 28, on voit que c'est Pierre qui lui dit que mais on a tout laissé pour toi. Et verset 29 et 30, lui, là, Jésus-Christ lui répond et lui explique que il s'agit que de lui-même, donc de voir Jésus-Christ. Il dit que tout, qu'il y a personne qui quitte qui quitte ses parents, sa mère, sa sœur, ses enfants ou tout ce qu'il a, qu'il possède, tout le monde s'y quitte toutes ces histoires-là et suit Jésus-Christ et dit que et dans le monde à venir la vie éternelle. Donc on va la voir aussi 100 fois de plus et pas après notre mort, déjà maintenant qu'on va avoir toutes ces histoires-là. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 31. He said, but many that are first shall be last, and the last first. We should pray that we should not become last. Wir sollten beten, dass wir nicht zu den Letzten werden. Mais il dit, mais beaucoup de ceux qui ont maintenant les premiers seront parmi les derniers. Et c'est pour cela qu'on doit prier de, on doit vraiment prier de ne pas devenir des derniers et de rester les premiers. And that's why we have to be very, you know, beware of distraction. Deswegen, we have to beware of distraction. Sei sehr aufmerksam, wenn es um das Thema Ablenkung geht. Wir müssen uns in Acht nehmen vor Ablenkung. C'est pour cela qu'on doit faire vraiment attention. On doit vraiment faire attention de ce qui concerne les distractions. You know, because people can start with Christ and not be able to follow him. Mm. And then not be able to end with him. Weil so wie der Vers hier sagt, dass die Ersten werden die Letzten sein. Menschen können mit Jesus Christus anfangen, aber es nicht mit Jesus Christus beenden, weil sie sich ablenken lassen haben. Parce que ce même verset nous fait voir que il y a beaucoup des gens, on a même aussi vécu ça, il y a beaucoup des gens qui sont capables de commencer avec Jésus-Christ aussi, de prendre une bonne route avec lui, mais sont pas capables de finir avec lui. No, remember Elijah after defeating the 450 prophets of Baal. Amen. After killing them, destroying them, proving that the Lord is the only true God. And later, just a note from, from a woman, distraction. Praise the Lord. Erinnert euch an Elijah, der 400 Propheten vom Baal einfach mit der Kraft Gottes zerstört, umgebracht hat, ohne Furcht. Und dann später, als diese eine Frau ihn bedroht hat, ist er halt schreiend weggelaufen vor Angst, wegen dieser Ablenkung. On voit aussi, par exemple, avec l'exemple des 400, Elijah, Élisée, par exemple, avec les 400 prophètes qu'il a fait avec Dieu, il a fait un miracle et une petite distraction qu'il s'agissait d'une femme, il a commencé à fuir, il est parti se cacher. Praise the Lord. Amen. Ah. For a reminder, let us quickly go to 1 Kings 19. Lass uns zur Erinnerung zu 1. König 19 gehen. On va lire un roi. 1 Kings 19. Un roi 19. Our language, first of all, is 1 Kings 18, then 19. Erstmal 1. König 18. On commence à un roi 18, et puis après 19. In verse 1 Kings 18, verse 22. 1 Roi 18, verset 22. Okay, let's read it 22, 21 and 22, then go and quickly pick some places because of time. Amen? Amen. And Elijah came unto all the people. That's 1 Kings 18, verse 21 and 22. First of all, we'll read that. Amen? On commence par 1 Roi 18, 21-22. And Elijah came unto all the people and said, how long had ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answer him not a word. Then said Elijah unto the people, even I alone remain a prophet of the Lord. But Baal's prophets are 450 men. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Da trat Elijah vor das ganze Volk und sprach: Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Die Propheten des Baals aber sind 450 Mann. Alors Elie s'avança devant tout le peuple et s'écria: Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors reliez-vous à lui. Mais le peuple ne répondit pas un mot. Elie poursuivit: Je suis le seul prophète de l'Éternel. Qui reste, et il y a 450 prophètes de Baal. You know, here Elijah challenged them. Hier hat Elia, hat er sie herausgefordert. Ici on voit que Elie les a challengés. To call fire from heaven. The true God should answer. The true God. If you have the true God, if your God is the true God, your God is to answer. If my God is the true God, my God will answer. We will see the God that will answer. The only whoever among us have the true God is going to be who have the answer. Praise the Lord. Hallelujah. Hier hat Elia die Propheten von Baal herausgefordert und gesagt, dass wenn euer Gott der wahre Gott ist, dann wird er dieses Feuer vom Himmel herabbringen lassen. Und wenn mein Gott der wahre Gott ist, dann wird er es tun. Ici on voit que Elie a fait un défi, il les a provoqués, il les a dit que si votre Dieu est un vrai Dieu, c'est lui qui va faire tomber le feu du ciel. Et si c'est mon Dieu, si c'est mon Dieu qui est le vrai Dieu, c'est lui qui va le faire. Praise the Lord. Alleluia. From 25, and Elijah said unto the prophet of Baal, choose you one bullock for yourself, and dress it first. For ye are many, and call on the name of your gods, but put no fire under. And they took the bullock, which was given them, and they dressed it, and called on the name of Baal from morning, evening until noon, saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered. And they leaped upon the altar which was made. And it came to pass at noon that Elijah mocked them and said, Cry aloud, for he is a god. Either he is talking, or he is pursuing, or he is in a journey, or peradventure he sleepeth, and must be awakened. Verse 28. And they cried aloud and called themselves after their manner with knives and lashes, till the blood gushed out upon them. And it came to pass, when midday was past, and they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice, that there was neither voice, nor any other answer, nor any that regarded. And Elijah said unto all the people, Come near unto me. And all the people came near unto him. And he repaired the altar of the Lord that was broken down. And Elijah took 12 stones, according to the number of the tribes of the sons of Jacob, unto whom he would of the Lord came, saying, Israel shall be your name. And with the stones he built an altar in the name of the Lord. And he made a trench about the altar, as far as would contain 2 measures of seed. And he poured the wood in order, and cut the bullock in pieces, and laid him on the wood, and said, Fill 4 barrels with water, and pour it on the burnt offering, and on the wood. And he said, Do the second time. And they did it the second time. And he said, Do it the third time. And they did it the third time. And the water ran about the altar, and he filled the trench also with water. And it came to pass at that time of the offering of the evening sacrifice. And Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Jacob, and Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am your servant, and that I have done all these things at your word. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their ears back again, their heart back again. Verse 38. Then the fire of the Lord have his own fire. Amen. He have his own fire. Praise the Lord. Amen. Amen. Please, amen. If you have time, you can read it also. And consume the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and lick up the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces, that they said, the Lord, he is the God, the Lord, he is the God. And Elijah said unto them, take the prophet of Baal, let not one of them escape. And they took them, and Elijah brought them down to the brook Kishon and slew them there. 450 bars. He killed all of them. With you can see how his body was full of blood. Then he now left. In chapter 19 from verse 1, we will just quickly read some places there. And Ahab. 19 yet? Of 1? Yeah. 19 à partir de 1. Praise the Lord. Hallelujah. And when Ahab got home, the wife was not there. The wife is Jezebel. He told his wife what happened. Instead of the wife to praise the Lord, the wife started pursuing Elijah. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and without her he had slain all the prophets with the sword. And Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, so let the gods do to me, and more also, if I make not your life as the one of them by whom more by tomorrow about this time. Verse 3. And when he saw that, praise the Lord. Hallelujah. This verse 3 is very important. Elijah saw something. Verse 3 is sehr wichtig. He took, you know, the distraction. Il y a ça etwas. Er sah die Ablenkung. Il y prit peur. Il a vu qu'une distraction. At the beginning, he was seeing God. Am Anfang hat Jesus Christus, hat Gott gesehen. Au commencement, il a vu d'abord Dieu. Now he was seeing the letter. Und jetzt hat diesen Brief gesehen. Et maintenant, il a vu cette lettre. The question is, what do you see? Die Frage ist, was siehst du? La question est, qu'est-ce que toi tu vois? You know, what you see will make you, will turn you from first to the last. Das, was du siehst, wird dafür sorgen, dass du vom Ersten zum Letzten wirst. On parlait d'être premier ou bien le dernier. Tout ce que tu vois, ça va te tourner à être le premier ou le dernier. No matter how small it is. Egal wie klein es ist, c'est que tu vois, ça t'emmène à devenir le premier ou le dernier. Non, let's le dernier. Praise the Lord. Hallelujah. No matter how small it is. Egal wie klein es ist. Peu importe combien c'est petit. Comment c'est petit. It will be bigger than your God if you see it. Es wird größer sein als Jesus Christus, wenn du es siehst. Peu importe le petit, la chose, même si elle est petite, ça va, si tu vois que ta concentration est sur la chose, tu vas commencer à voir la chose plus grande que le Dieu que tu as. Don't allow anything to be greater than your Christ. Lass nicht zu, dass irgendetwas größer ist als der Jesus Christus in dir. Amen. N'autorise rien d'être plus grand que ton Dieu, que Jésus-Christ en toi. He said he that is in you is greater than he whatever is in the world. Er sagt, dass der in dir ist, ist größer als alles andere. Amen. auf dieser Welt. La Bible dit que ce qui est en toi est plus grand que n'importe quoi qui est dans ce monde. You can see Elijah here that was so mighty. You know with God. You know, he was able to defeat the prophet. You know, so many of them. And now just a little, just a woman, a note from a woman. He started running. Mm-hmm. If you read it, you know, he said he was so depressed that he wanted to die. Mm-hmm. He was not telling God, take my life. Mm-hmm. Not because of what he see. Mm-hmm. Elia hat mit der Hilfe des Herrn 450 Propheten von Baal einfach so umgebracht und davor diese ganzen anderen krassen Sachen gemacht mit dem Feuer. Und nur weil eine Frau ihm eine Botschaft überbracht hat, dass sie sein Leben nehmen will, ist er vor Angst weggelaufen. Und es ging dann sogar so weit, dass er Gott darum gebeten hat, sein Leben zu nehmen. Er wollte nicht mehr leben wegen dieser einen Nachricht. Und das zeigt uns ganz deutlich, dass wenn unser Fokus nicht auf Jesus Christus ist und wir uns ablenken lassen, egal wie klein es ist oder egal was für große Sachen der Herr schon in deinem Leben gemacht hat, wenn du auf diese eine Sache, kleine Sache schaust und dich davon ablenken lassen wirst, wirst du vom ersten zum letzten. Ici on voit quand on lit 1 roi 19 à partir de 1 à 3 où on continue à lire tout, on voit que Élisée dans le chapitre 18, il était capable de faire un grand miracle à travers Jésus, à travers Dieu. Quand il a vu son Dieu, il a fait presque un miracle parce que il y a un feu qui est descendu du ciel. Mais ici en 1 roi 19 3, on voit que une dame lui a envoyé une lettre qui lui a menacé et lui, il était dépressé. Donc, il était devenu vraiment déprimé. Il a vu seulement cette lettre et il a commencé à voir la lettre était plus grande dans ce moment-là. Vu que sa concentration était sur cette lettre, la lettre est devenue plus grande que le Dieu qu'il avait. Jusqu'au point que lui-même, il ne voulait même plus de sa vie, il voulait même mourir, il préférait de mourir juste à cause d'une petite lettre d'une femme qui voulait te menacer. Il a oublié son Dieu. What will you allow to, you know, what will you allow to take you off, to take your focus away from Christ? That will take your focus away from Christ. Mm-hmm. What is it? Was ist es in deinem Leben, was what will happen to you that will make you take your focus away from Christ? Was ist in deinem Leben, dass du it should be nothing. Dass dein Fokus von Jesus Christus wegnimmt? Was kann passieren, damit dein Fokus nicht mehr auf Jesus Christus ist? Wir sollten nicht zulassen, dass irgendetwas in der Lage sein kann, den Fokus von Jesus Christus zu nehmen. Qu'est-ce que c'est dans ta vie qui peut t'autoriser vraiment à enlever ta concentration vers Jésus Christ? Donc, qu'est-ce qui est si important dans ta vie qui va te donner de distractions jusqu'à ce que tu puisses même refuser, oublier Dieu? Donc, dans ta vie là, il n'y a rien qui doit être plus grand ou bien plus important pour risquer de ne pas voir Dieu dans ta vie. You know, he started with God, with the true God. Mm-hmm. But, you know, he did not even finish what the Lord wanted him to do. If you go to... please, if you have time, you can read it also. Amen? Amen. This very chapter here. And you see, the Lord now said to him, what are you doing? What is your problem? Where are you going to? What is wrong with you? He spoke to him. Amen? Mm-hmm. And the Lord, then he said he wants to go. He wants to die. Take my life. Then the Lord said, I will give you three things to do. From verse 15. From verse 15 of chapter 19. Wir lesen jetzt von 1. König 19 ab 15 weiter, weil 15 and 16. Elia hat mit Gott angefangen, aber nicht mit Gott beendet, weil wenn wir die Geschichte lesen, sieht man, dass er noch nicht mal das, was der Herr von ihm verlangt hat, bis zum Ende durchziehen konnte. Lisez 1 roi 19 à la maison, parce que c'est vraiment important. Ici, on va lire à partir de verset 15, 1 roi 19, 15, et on va voir que sa concentration, il avait tellement peur que même Dieu lui disait, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as, c'est quoi ton problème? Et on va le lire à partir de verset 15. Verse 15. And the Lord said unto him, Go return on the way to the wilderness of Damascus. And when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria. And Jehu the son of Nimshi shall thou anoint to be king over Israel. And Elisha, that's number three, Elisha, that is the prophet after him. Amen. Amen. Elisha, the son of Shaphat of Abel-Meholah, shall thou anoint to be a prophet in your room. He left the two and went straight to that number three. Anointed, according to the Bible, he anointed the next to him, and he now went to the Lord. The first two, he did not do. He did not fulfill, according to the Bible. Praise the Lord. Halleluja. Wir lesen, dass Gott Elias drei Aufgaben gegeben hat. Und er hat von diesen drei Aufgaben nur die letzte gemacht. Und zwar seinen Nachfolger zu salben. Und ja. Et si on voit que Dieu a donné à Élie trois devoirs à faire, mais lui, il a seulement fait un, et c'était de moindre son prochain, la personne qui va lui suivre ou le remplacer, c'était Élisée. Why? Because of what he saw. Und alles nur wegen dem, was er gesehen hat, alles nur wegen dieser Ablenkung, weil nachdem er seinen Nachfolger gesalbt hat, ist er auch zum Herrn gegangen. Et pourquoi il a fait que un de ses trois devoirs, c'était parce que il a vu ce qui était dans ce monde, il a vu ça plus grand que ce qui plus grand que le Dieu qu'il avait. Et on voit aussi ici, on comprend l'histoire, on voit aussi que après d'avoir wandre Élisée, il est parti vers Dieu. Go to Matthew 14, please. Get to Matthew 14. On va lire Matthew 14. And see how, why do you not, you are to be, just hate distraction. You are to hate distraction. Amen. Matthew 14, from verse 25. I will quickly read. Wir lesen jetzt von Matthew 14, ab 25. Um nochmal besser zu verstehen, dass wir es hassen sollten, abgelenkt zu werden. On va lire Matthieu 14, verset 25 ensemble pour comprendre comment on doit vraiment détester les distractions. Ablenken zu hassen. Halleluja. Matthieu 14, verset 25. I will read because of time. Amen. Yeah. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered, You know, here there are a lot of things to get here. Amen. Mm-hmm. You know, what was threatening them, Jesus was walking on it. Amen. I don't know the problem you are facing. Mm. Jesus is walking on it. Amen. We are all under his foot. Amen. Und hier können wir sehr viel daraus lernen, weil das, was die Jüngern Angst gemacht hat, darauf ist Jesus ganz entspannt gelaufen. Ich weiß nicht, was in eurem Leben euch gerade Angst macht, aber ihr solltet wissen, dass auf genau diese Sache Jesus Christus läuft. Er steht über dieser Sache. Amen, amen. Ici on voit que les disciples ils avaient peur de l'eau et Dieu a marché sur cette eau. Et et je veux vous faire comprendre que peu importe quelle situation que tu as qui te fait peur, Jésus-Christ est plus que cette situation. Il est au-dessus de ce problème. Praise the Lord. Hallelujah. You know, all you need to do is take your eyes away from those things. See Christ and walk on it, on those problems. That is above those problems. Amen. Amen. Alles, was du tun musst, ist, deinen Fokus nicht auf das Problem zu setzen, sondern auf Jesus Christus. Und darauf zu meditieren, dass Jesus Christus auf deinem Problem läuft. Also hast du gar keine Probleme, weil er über dir steht, Amen. Über ihm steht. Amen. Et tu sais que tu as à faire quand tu as un problème qui te donne vraiment des maux de tête et des soucis, tu dois vraiment t'exercer seulement à voir Jésus-Christ et de te concentrer, de méditer sur la parole de Dieu et pas méditer à ses problèmes. Parce que tu dois te méditer au fait que Jésus-Christ est au-dessus de tous ces problèmes-là. You know what he said in 27, he is still saying it today to us. Amen. Look at 27. Das, was im Vers 27 gesagt hat, das sagt immer noch heute zu uns. Ce qu'il a dit au verset 27, comme on va lire maintenant là, c'est ce qu'il dit toujours, jusqu'à présent, il nous dit ça. But straight away, Jesus spoke unto them. He's still speaking to us today. Amen. Saying, be of good cheer. It is I. Take your eyes away from those problems. Amen. See me. Amen. Jesus aber redete sogleich mit ihnen. Er spricht heute auch noch mit uns und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Wir sollen den Fokus auf Jesus Christus setzen und nicht auf das Problem und sich ablenken lassen, sondern nur Jesus Christus sehen. Mais Jésus, en verset 27, mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc, avec ça, il faut aussi de nous dire que c'est lui, il est là et on ne doit pas avoir peur. On doit vraiment se concentrer vraiment seulement à sa présence et voir sa présence et pas les choses mondaines qui nous font des soucis. Victory is not solution to problems. Victory is in Christ. Amen. The finished work of Christ. Ja. Sieg es ist, Jesus Christus zu sehen und sein fertiges Werk zu sehen. Amen. Nicht Lösungen. La victoire, c'est pas la solution à nos problèmes. La victoire, c'est de continuer à voir Jésus-Christ, de lui voir et de lui croire qu'il a déjà tout accompli. Amen. And Peter answered him and said, Lo, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down and of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Verse 30 is where we are going. But when he saw, just like Elijah saw the letter, you know, this time, Peter saw something different from Jesus. I don't know what you see. What are you seeing? Petrus, als Jesus das gesagt hat, hat Petrus zu Jesus gesagt, dass wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu kommen, also auch auf Wasser zu laufen. Und Jesus hat auch zu ihm gesagt, komm. Und Petrus ist auch tatsächlich auf Wasser gelaufen, aber als er dann den starken Wind sah, hat er angefangen, Angst zu bekommen und die Bibel sagt, er ist gesunken. Genauso wie Elias, er hat angefangen, etwas zu sehen. Petrus wurde abgelenkt von Jesus Christus und hat das Problem, diesen starken Wind gesehen. Und genauso ist es auch bei uns, dass sobald wir müssen uns auf Jesus Christus fokussieren. Ici aussi, on voit aussi, tout comme verset 28 ici, c'est Pierre qui dit à Dieu de lui ordonner de venir marcher sur l'eau. Et Dieu lui a dit de venir et il a fait ça, il a marché sur l'eau. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à un point et il a commencé à voir le vent qui était plus fort. Et là, il a commencé à se noyer. Et c'est aussi la même chose comme avec l'exemple de Élie, qu'il était capable de faire tout avec Jésus-Christ, mais quand ça, il a eu une distraction, il a commencé à voir les histoires terrestres plus grands que Dieu, il a commencé aussi à se noyer. C'est comme tout comme la même chose que nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui est dans ta vie qui va te faire noyer? Qu'est-ce qui est dans ta vie que tu vas voir qui va t'enlever la concentration vers Jésus-Christ? Tout ce qui n'est pas lui va te distraire et va te faire noyer. Yeah, Peter saw the wind. What do you see? Is it your job? Is it, you know, the time, your age? Is it people? That you believe they are making it or what they have. Yeah, I don't know. What do you see? Or are you seeing the news that is everywhere? Or you are seeing Christ? You choose to see Christ. Amen. And continue to see him. Hier hat Petrus den starken Wind gesehen. Und ich frage dich heute, was siehst du? Siehst du deinen Job? Siehst du dein Alter? Siehst du die Zeit, die vergeht? Siehst du, was Menschen über dich sagen? Siehst du Menschen, die es weltlich gesehen Erfolg haben? Was siehst du? on venait de lire que Élie a vu la lettre qui l'a empêché de continuer à croire. Ici on voit que c'est que Paul a vu le vent, Pierre, merci maman, qui a vu le vent qui lui a fait hésiter, douter et noyer. Et qu'est-ce que toi tu vois? Est-ce que tu vois ce que les gens vont dire de toi? Tu vois le temps, ou bien tu vois même les gens sont en train de leur vie en train de marcher, la tienne ne marche pas, ou bien ta santé. Qu'est-ce que tu vois? C'est vraiment important de se décider de voir Jésus-Christ pour surmonter tous ces problèmes. Parce que si tu vois ce qui est en dehors de Jésus-Christ, c'est là tu n'as pas de victoire. Nothing is bigger than the finished work of Christ. Amen. Nichts ist größer als das fertige Werk von Jesus Christus. Sieh das, es ist genug. Amen. Rien n'est plus grand que l'accomplissement de Jésus-Christ. Rien n'est plus grand que ça. Et si dès que tu vois ça, ça te suffit. Tu n'as pas besoin de voir autre chose. Anything outside Christ will give you fear. We make you to be afraid. Alles außerhalb von Christ. They are designed to threaten you, to frighten you. Alles außerhalb von Jesus Christus. Afraid. Just like Elijah was afraid. He ran for his life. Alles außerhalb von Jesus Christus wird dir Angst bereiten. Es ist dafür geschaffen worden, dir Angst zu machen. Genauso wie, also Petrus hat sich gefürchtet, Elias hat sich gefürchtet. Alles außerhalb von Christus wird dir Angst machen. Aber wenn du auf Christus schaust, bist du auf Wasser laufen. Tout ce que tu vas voir qui est en dehors de Jésus-Christ va te faire douter et va te détruire aussi. Tout comme aussi, même les apôtres, les grands, ils ont fait des miracles à travers Dieu. Et quand ils ont vu quelque chose qui était en dehors de Dieu, ils ont eu, ils ont galéré. Et mais c'est comme aussi nous aussi aujourd'hui, tout ce qu'on va voir qui est en dehors de Jésus-Christ va nous emmener à la perte. You know, he said he was afraid and beginning to sink. With fear, you sink. With faith, you are above. You are stable. Yeah. Wenn du dich fürchtest, wirst du anfangen zu sinken. Aber wenn du glaubst, wirst du auf Wasser laufen. Amen, amen. Quand tu as peur, dès que tu as peur, tu commences à tâtonner ou bien à voir que ta foi est en train de partir, tu vas t'énoyer. Mais dès que tu vois en Jésus-Christ que ta foi continue à augmenter, tu vas marcher sur l'eau. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. There is nothing wrong in having riches. It is loving them. Loving it that is evil. Es gibt nichts Falsches daran, Geld zu besitzen. Dieses Geld aber zu lieben, diese Geldgier zu haben, das ist das Problem. C'est pas mal d'avoir de l'argent ou bien d'obtenir de l'argent. Mais le problème est que aimer cet argent jusqu'au point que tu l'aimes plus que Dieu. The Lord said, love the Lord your God alone. I hate others. Der Herr sagt, wir sollen ganz alleine ihn lieben und als andere hassen. Dieu dit qu'on doit l'aimer seulement lui seul et toute autre chose on doit vraiment détester. All others have to love you and not you loving them. Wenn alles andere sollte dich lieben und nicht dass du als andere liebst. Parce que toute autre chose doit t'aimer toi et te suivre et pas le contraire. He wants you to have riches more than you want to have them. Er will, dass du Reichtum hast mehr als du es selbst für dich möchtest. En fait, Dieu veut même que tu puisses être riche plus que toi-même tu le voudras. He wants yourself to see them more than you even want them to see them. Er möchte, dass die Ungläubigen diesen Sieg in deinem Leben sehen, mehr als du es überhaupt sehen willst. Il veut que les païens de ce monde te voient même devenir riche, te voir avoir tous ces matériels, plus que toi-même tu veux l'avoir. Praise the Lord. Même la victoire, tu veux que le monde voit ta victoire plus que toi-même tu veux le voir. Tu puisses le voir. Praise the Lord. Hallelujah. You know, his blessing is not hidden. It must be seen. He said he rewards you openly. Yeah. It means they will see, they must see it. It's a must. Yeah. Er sagt, er belohnt dich öffentlich. Sein Segen wird nicht in Geheim gegeben, sondern das wird öffentlich gezeigt. Jeder soll sehen. Amen. Il dit aussi que ta victoire, ça sera quelque chose que ça sera populaire, tout le monde va voir, ça sera ouverte pour tout le monde va le voir. C'est sa victoire, ce n'est jamais en cachette. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord wants to provoke them to jealousy. Mm. We continue from there. Der Herr will diese Sunday. Menschen provozieren mit Eifersucht. Dieu. Dieu veut même provoquer les gens de ce monde, les païens. Il veut même les emmener dans un point juste qu'ils puissent être jaloux de toi. Praise the Lord. Amen. So we close with that. Amen. Because it's already afternoon. Amen. Praise the Lord. Amen.